vu tomber l'automne et s'endormir le soleil. Tout autour du cœur des pommes, quand on sera comme les arbres, on aura tant de papier qu'on sera ouvert comme livre, tout le monde lira notre vie. Sur toi et moi, il pleut. moisson sera si grande, tout le monde mangera dans nos mains. Love!